La pensée positive, c'est pas du jour au lendemain, tu te mets à penser positivement qu'il va arriver des bonnes affaires. Et des fois, ça continue d'aller mal. Puis c'est clair que l'être humain obéit à des lois d'évolution qui sont au-delà de lui, puis de son désir en tant qu'ego. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent échapper à l'individu, mais si l'individu utilise le maximum de marge de manœuvre, ou un peu comme l'effet placebo qu'on parlait tantôt, que la personne se représente étant en santé, puis qu'elle est bien, puis elle s'auto-hypnotise, peut-être que ça va favoriser davantage ses processus de guérison que l'autre qui est pessimiste par rapport à ça. Ouais, mais après, si elle meurt et dans l'astral, comme ça change rien. Je veux dire, sa mémoire en tant qu'âme, ça revient au même. Il n'y aura pas une sortie nécessairement de ça. C'est sûr que ça ne T'sais. l'amènera pas nécessairement à vivre la fusion avec l'esprit, là, je suis d'accord avec Ben toi. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un impact de la puissance de la volonté individuelle qui est mobilisée dans un processus d'auto-guérison qu'on va retrouver sur quelqu'un qui a une volonté, par exemple, de s'auto-hypnotiser ou faire de la méditation dans l'optique de favoriser ces processus naturels de régénération. Parce que la méditation puis l'auto-hypnose, il va avoir une altération de la conscience pour avoir un certain effet. Comme dans l'auto-hypnose, on va se placer dans une position de suggestibilité ou de transe légère. Il reste que, moi, ce que je prône, l'être humain va réellement être en contrôle puis il va réellement être créatif quand il n'y aura plus besoin de recourir à des processus d'altération puis que tout va se faire automatiquement. Sans que ce soit. C'est comme tu vas. C'est déjà ça, le système. Le système. Le, voyons, le système de protection immunitaire de l'être humain est déjà comme ça. Il va agir par lui-même. Sans que tu aies à lui commander ou à faire quoi que ce soit, il va se déclencher lui-même. Donc, c'est d'aboutir à un perfectionnement de ces processus naturels-là. Ça n'a pas besoin d'être conscient. Dans le sens que. J'ai pas envie d'avoir la capacité de m'auto-guérir si à chaque fois il faut que je fasse un paquet de rituels ou que je m'adonne ou que je me casse la tête avec ou je m'autant être malade puis mourir. Je sais pas si tu comprends, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme la pensée positive, à un moment donné, ça devient comme des mantras. Puis c'est toujours à recommencer, c'est pas automatique. Tandis que la vie, c'est quelque chose d'automatique. Les vraies forces de vie, ça serait supposé aller de soi. Donc, l'être humain, au lieu de vouloir intégrer d'une façon intégrale des forces de vie, il veut des techniques. Il veut, au niveau de son intellect, avoir le contrôle. C'est là où j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. J'aime autant. Tomber malade, puis crever, puis recommencer d'une autre façon pour toi aussi de trouver une façon, parce que je trouve que c'est pas une vie. Je trouve que c'est pas une vie. C'est à chaque fois que j'ai la moindre petite maladie, là, faut que je me mette à faire quelque chose de spécifique ou ça m'intéresse pas vraiment. Dans le sens que, tu sais, ça revient à des rituels, puis c'est tout le temps recommencer. Oui, je J'ai comprends pas ce envie que. d'être dans l'auto-hypnose pour bien vivre. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, dans certains cas, il y a un travail qui peut se faire à ce niveau-là, dans le sens à défaut de rien faire du tout ou de rester dans un état de déprimé ou d'impuissance. Bon, ben là, le monde qui sont déprimés, tu sais, j'ai été déprimant un bon bout de temps, puis à un moment donné, ça allait arrêter, puis aujourd'hui, je suis plus capable d'être déprimé. J'aime bien mieux avoir pris ce chemin-là que d'être obligé de me dédéprimer tout le temps. Dans le sens que si je serais encore déprimé de temps en temps, être obligé de recommencer à réussir à auto-réguler ça, puis. Non, non, je suis bien content d'être allé au bout de cette affaire-là. Puis à un moment donné, ça a cassé. Dans le sens que c'est. Comment je pourrais dire ça? Je peux pas croire que le monde, c'est pas une vie non plus. Puis être déprimé à ce prix-là, j'aimerais mieux être déprimé. Oui, mais Parce en que. même temps, il y a des choses à refaire. Tu sais, si je prends par exemple quelqu'un qui s'entraîne physiquement, c'est sûr que moi, j'aimerais ça m'entraîner une fois, puis après ça, je reste en bonne forme musculaire sans avoir à entretenir le véhicule physique. Non, ben genre, tu t'entraînerais sans avoir à y penser, sans effort. C'est tout. Genre, ça deviendrait quelque chose de tellement naturel que tu aurais pu à dire, bon, aujourd'hui, je m'entraîne. OK, ça deviendrait comme un automatisme. Ben, c'est ça, ça deviendrait comme le reste. C'est ça, je veux dire, que ça devienne naturel. Que ce soit des processus qu'on n'a pas besoin de faire d'une façon. C'est comme si on se planifie, oh là, j'ai un plan d'entraînement. Puis non, de tout le temps suivre la vibration, puis sans réfléchir instinctivement, tout le temps faire la bonne affaire. Ça serait tout le temps ajusté, puis ça irait vers de plus en plus ajusté, de plus en plus. Quelqu'un qui s'habite beaucoup, puis qui a un certain confort par rapport à son corps, à un moment donné, il va s'entraîner naturellement sans avoir à y penser, tout simplement parce que ça va y tenter. Non, je comprends, ça va être plus instinctif, intuitif. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il peut y avoir un travail au niveau de la reconfiguration cognitive. Par exemple, si quelqu'un, à chaque fois qu'on dit le mot à tantôt, il vit de l'anxiété. Bon, ben, la personne qui va faire un travail pour dépolariser le mot à tantôt ou peu importe, pour plus que ça l'amène à une sécrétion massive de cortisol dans son organisme qui l'amène à connaître un stress, ben, il peut modifier cette mécanique présente en lui, l'association mentale qui l'amène à sécréter massivement l'hormone du cortisol pour l'amener à sécréter d'autres choses. Tu sais, quelqu'un qui va faire, par exemple, la prière, il a un cerveau où il peut avoir des hormones qui donnent une impression d'extase, un peu comme quelqu'un qui a un orgasme, là, tu sais. Mais si on prend ton exemple, là, imagine quelqu'un que le fait que le mot à tantôt le rende anxieux, qu'il se rende compte d'une façon tellement intense que c'est enrageant pour lui parce que ça n'a pas de raison d'être, c'est nuisible, que juste le fait de le voir, ça ferait que ça n'a plus aucun effet, le mot. Puis comme ça, automatiquement, tout se défait, tout le temps à mesure que c'est vu. Le seul fait de comprendre le processus puis que ça lui nuit, ça Oui, je l'éliminerait. comprends ce que tu veux dire dans le simple dévoilement. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de reprogrammation pour compenser. Ben, je pense que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Tu sais, c'est un petit peu. J'ai vécu vraiment des troubles d'insomnie pendant des années, puis à un moment donné, j'étais tellement en colère de ça. Que maintenant, je suis capable de m'endormir presque sur commande. Mais ça a pris des années que je voulais pas suivre aucune. On m'avait proposé toutes sortes d'affaires par rapport à ça. Puis je le savais que c'était juste parce que j'avais de l'énergie encore, puis je m'endormais pas, entre autres. C'était pas lié à de l'anxiété ou des affaires de même. Puis je refusais les médications, les pilules pour dormir. J'ai tout le temps tout refusé. Puis je me disais, un jour, je vais trouver la clé. Puis la clé, est-ce que ça a été dans le sens de contester ton double? Non. Ça a été que la colère s'était accumulée au fil des années. Puis un soir, j'étais tellement en colère de ne pas dormir encore que je suis devenu épuisé d'un coup. Puis je me suis dit, bon, ben, je m'en fous. Puis j'ai cessé d'y penser, puis je me suis endormi. Puis depuis ce temps-là, j'ai beaucoup moins de difficultés. J'ai plus jamais eu juste d'être réveillé quand c'est la nuit, ça me met en colère. Puis finalement, ça fait que ça a fini par faire qu'avec le temps, ben, j'ai fini par me rendre compte que j'étais capable de commander à mon corps de dormir. Puis que c'était moi qui me maintenais réveillé. C'était réellement moi qui me maintenais réveillé. Le problème, c'était le fait que je comprenais pas consciemment les processus de sommeil. Le sommeil, on tombe endormi d'un coup. C'est juste qu'on pense que c'est progressif, c'est pas vrai. On tombe endormi d'un coup. Il y a un phénomène OK. qui est progressif avant, qui a une mise en condition qui fait qu'on va dormir, mais le sommeil, il arrive d'un coup, puis c'est tout le temps inconsciemment. T'sais, tu peux pas consciemment, je m'endors là à 7 secondes-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais le fait d'avoir pendant des années subi ça, puis que ça me mettait profondément en colère, j'ai intégré, si on peut dire, une meilleure compréhension de ce qu'est le sommeil chez moi. Puis maintenant, je le sais qu'aussi c'est venu avec la capacité

Si j'avais pensé que c'était le double qui m'empêchait de dormir, je m'en serais jamais sorti. Tu sais, cette pensée-là aurait été vraiment une des pensées qui n'a pas d'allure avec le reste, là, ça aurait fait partie de la pollution. Mais là, à un moment donné, ce qui va finir par arriver, c'est que tu es tellement en colère, puis tu finis par te rendre compte, parce que tu n'as pas le choix, tu finis par te rendre compte que c'est toi le problème. Fait que dans le fond, tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu fais qui engendre, puis tu arrêtes de le faire. C'est pour ça que l'affaire, je vais avoir de la pensée positive pour me garder en santé, puis tout. La santé va surtout être engendrée par la façon de vivre. Donc, Mais il y a l'état psychique aussi. Tu sais, je regardais les travaux du docteur Frédéric Salmann. Il a écrit un livre, ça s'appelle La santé devant soi. Puis il était question que selon des recherches scientifiques, les gens qui sont optimistes ont tendance à vivre plus longtemps que les gens pessimistes. On gage-tu que moi je pourrais faire une étude, puis on finirait par se rendre compte que les gens optimistes agissent d'une façon plus intelligente avec leur santé. Je suis persuadé que la santé influence la façon de penser, puis que la façon de penser influence la pensée, puis qu'au fond, il n'y a pas. C'est comme la poule puis l'œuf, là. Il n'y a pas de. C'est les deux en même temps. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est plus optimiste, il va être porté à vivre d'une façon peut-être plus dynamique un peu. Il va être moins stressé aussi. Il va moins perdre d'énergie. Donc, c'est sûr que bon, en tout cas, que ça a un effet, là. Mais, tu sais, est-ce que les gens optimistes sont en meilleure santé parce qu'ils sont optimistes? Moi, je pense qu'en étant en meilleure santé, tu vas être plus porté à être optimiste. En étant plus optimiste, tu es porté plus en santé. Mais du monde pessimiste qui ont vécu vieux, j'en ai vu, puis du monde de Oui, bonne ça peut humeur. exister aussi, mais lui, c'était en fonction, en général, là, sur des Ouais. populations. C'est pas si on regarde ça au niveau statistique, là. Mais en tout cas, moi, ce que je trouvais intéressant quand même dans son propos, C'est c'était la sûr. volonté de vivre des gens, dans le sens que la personne qui a un sens dans sa vie, mais comme puis ça, c'est des études scientifiques, c'est pas juste lui, j'avais déjà vu ça ailleurs, que les gens qui croient en Dieu vont vivre 7 ans de plus en général. Que les gens qui n'ont pas de sens à leur vie ou qui croient à rien. Ben, c'est sûr, les gens qui croient pas en Dieu sont dans l'anxiété existentielle au fond. C'est ça. Ben là, c'est sûr que ça agit sur le système nerveux, que ça fait un stress de plus. C'est pour ça que c'est comme là, à un moment donné, il va falloir regarder ça. La différence entre quelqu'un qui a la foi puis quelqu'un qui croit en Dieu, c'est pas pareil. Quelqu'un qui a la foi, il croit pas en Dieu, il sait que. Il sait qu'il y a quelque chose. C'est ça la foi. Il y a une confiance inébranlable. Tandis que la personne qui est obligée de croire en Dieu, ça c'est un peu comme une madame que je connais qui croit en Dieu, mais ça la dépresse. Puis l'affaire là, c'est que l'autre, en plus, l'autre qui finit par assumer qu'il est tout seul sans Dieu, lui, il vit moins longtemps. C'est parce qu'il y a un stress de plus. Il faut qu'il assume de l'énergie de plus, c'est pas la providence qui va le sauver s'il arrive quelque chose. Mais il reste qu'à mes yeux, ça revient tout à. Je veux dire, c'est pas normal que le seul fait de croire ou pas croire ait une influence comme ça. Ça vient démontrer à quel point c'est l'être humain, ce qui est décisif. C'est l'individu par rapport à lui-même qui est décisif. Parce que je crois ou pas en Dieu, ça change pas la réalité ou pas de Dieu en dehors. Mais l'être humain, il a peur. Il a peur d'être tout seul. C'est fait que là, qu'une fois qu'il se pense qu'il y a Dieu, il se sent bien moins tout seul, il a bien moins peur, il vit un petit peu plus longtemps. Mais il reste que l'affaire, on reste dans de la subjectivité, dans le sens que croire en Dieu ou pas croire en Dieu, ça change rien. Dans le sens que la personne qui croit ou qui croit pas en Dieu, c'est parce qu'elle sait pas. Ça reste de la compensation Je pareil. comprends La ce que tu personne. veux dire, mais ça change concrètement quelque chose que Dieu existe ou non dans la façon que la personne se représente, dans le sens que si elle croit en Dieu, puis ça lui donne 7 ans de plus de vie, c'est pas rien, là. La mort est déjà là en tant que force. Je veux dire, il y a déjà une anxiété de ne pas savoir. C'est pour ça qu'on a besoin du besoin, soit de croire ou pas croire. C'est parce que le monde ne savent pas. Quelqu'un qui croit en Dieu, puis quelqu'un qui croit pas en Dieu, les deux, ils ont de quoi en commun, ils savent pas.